À tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Ravi aussi si vous écoutez à partir du blog asile35.blogspot.fr avec un léger décalage. Émission mise en ligne quelques semaines après sa diffusion en direct en hertzien avec les playlists, les podcasts et puis pas mal d'autres choses, des liens. Et si vous trouvez que les émissions mettent un peu trop de temps à arriver sur le blog, vous pouvez nous écrire d'ailleurs à partir de ce même blog asile35.blogspot.fr. On attaque avec la nouveauté de la semaine et le projet Dutch Futurismo qui, comme son nom ne l'indique pas, est un projet de musiciens hongrois avec le disque Festival of Misfits publié par le label de Pori en Finlande, Ectro Records, label qui avait publié pas mal de disques ces 20 dernières années dans les domaines plutôt psych et prog, noise plutôt finnois tels que Circle ou autres Farwa Overlord, mais également les Acid Mothers Temple pour ne citer que. Et Dutch Futurismo, c'est un tout nouveau projet des plasticiens sonores et aussi vidéastes Sandor Valli et Eva Polgar qui avaient déjà publié je crois également sur Ectro Records. Et là, on les retrouve avec deux autres compatriotes pour un projet créé pour célébrer les 100 ans du mouvement Dada. On les retrouve sur des instruments fabriqués à partir de détritus trouvés dans la rue, des bidons, des tuyaux, des pièces de métal, également des instruments usagés tels qu'un piano désaccordé. Un projet donc pour fêter les 100 ans de Dada, canal historique, avec des mises en musique de textes de Hugo Ball, Hans Harp, Francis Picabia et autre Kurt Schwitters, le père de l'Ursonate, pour le titre avec lequel on va démarrer cette session de l'Asile le plus sûr. Le morceau s'intitule Enemy Alien, qui était le titre que lui avait conféré les nazis lors de son exil à l'île de Man. Pour Kurt Schwitters, on écoute les Dutch Futurismo avec un extrait de ce Festival of Misfits. Artist. games, evading snipers, chewing juicy fruits. Fasten the chutes down potluck Easter corridors. Air folly sucking mantic luck. Hex triplet nylon slack. Elaborate night swatting ink mist. Glass fractals diminish ghost shadows. Wink evacuation tingles present tense. Sky and flying dollars. Over Tacoma, over Tacoma. Heed the rumble of distant drums. Démarrage dans l'asile obscur, totalement dans l'hypnose sonore, avec des musiciens totalement inconnus au bataillon, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ça fait plutôt plaisir de démarrer l'émission ainsi. À l'instant, il s'agissait de Cavalier Song, qui est le projet du britannique ingé son, je crois, de son état de Liverpool, Luke Maudsley. Un split 45 tours en compagnie de Agathe Max, qu'on connaît un tantinet plus, avec donc ce petit disque noir produit par l'excellent label britannique God Unknown, qu'on avait notamment rencontré pour les splits. C'était un label qui s'est plutôt spécialisé dans les splits 45 tours, avec à peu près tout ce qui bouge dans le domaine des psychédélismes assez noisy et assez nouveau, avec notamment des 45 tours entre Gnod et Eternal Tapestry, Acid Mother's Temple, encore eux, et Anthroprof, également White Hills et Muckstar, Dead Neanderthals et Sly and the Family Drone. Et donc ce 45 tours qui vient tout juste de paraître en tout début d'année 2017, Cavalier Song, donc un projet qui avait déjà sorti un 25 cm chez God Unknown, c'était début 2016. Et bon, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter, donc je vais me ruer sur la musique de ce monsieur Cavalier Song. Juste avant, il s'agissait d'un projet qui ne manquait pas de style ou de ch'tigle, avec Dutch Futurismo et ce disque qui lui aussi est sorti il y a peu de temps, à la fin de l'année 2016. Le disque Festival of Misfits, produit par l'étiquette Ectro, et donc on entendait un poème ou un texte de Kurt Schwitters déclamé par notamment la pianiste et vocaliste Eva Polgar, avec son camarade de jeu Sandor Valli, qui lui est plutôt percussionniste. Alors je crois que ce sont des musiciens plutôt d'obédience contemporaine qui s'aventurent dans des terrains un peu inconnus. Ils avaient sorti notamment trois disques ensemble, également chez Ectro Records, 2012, 2014 et 2015, notamment des Mondrian Variations. Et c'est vraiment très très bon la musique qu'ils produisent sous le nom de Dutch Futurismo, à tel point que je ne peux résister à vous proposer un second titre de cet excellent festival of Misfits. On écoute le morceau Caravane. Fanto, bambla, uffalli, bambla, grossipa, umfa, habla, horen, egiga, goramen. Higo bloigo, russula huyu, hollaka, hollala, anglogo, boom, blago, boom. Boom! Bosso! Fataka! Shamba! Vulla! Vussa! Ologo! Hey! Totta goren! Eshike! Jumbada! Vulubu! Shubudu! Ulu! Shubudu! Dumba! Kusha Gauma, Bahus Kusha Gauma, Bahus Kusha Gauma, Bahus Kusha Gauma, Bahus Kusha Gauma, Bahus Kusha Gauma, Bambla, Ovalli, Bambla, Crossica, Kufa, Habla, Orem, Eiga, Doramen, Ugo, Loiko, Fataka.

When they ask what's wrong, I say I'm okay. I'm in love with my girl, she's away. Man got to move on, man, got to move on, man. I need your help, I need your love today. Et oui, il y a des débuts de semaine comme ça, on apprend des nouvelles qui sont pas vraiment franchement super, notamment le décès de monsieur Jackie Leibseit, qui nous a quitté d'une pneumonie foudroyante, donc l'ex-batteur de Cannes, qui fut aussi batteur d'ailleurs de certains projets de l'époque de la free music allemande, notamment les projets de Manfred Schuff. Il a fait aussi partie des premières moutures du Globe Unity Orchestra d'Alexander von Schlippenbach. On se souvient d'un excellent disque de 1967, Unity and Son, juste avant qu'il intègre donc la formation bien connue du krautrock allemand, avec laquelle il a officié une bonne dizaine d'années, juste avant de former son propre groupe, le Phantom Band, avec lequel il a un petit peu essaimé dans les années 80. On a eu l'occasion de le voir aussi il y a de ça quelques années à Nantes. C'était au lieu unique pour son projet Club of Chaos, qui était plutôt assez incroyable. On se souvient aussi de ses participations au disque de Depeche Mode de ces années 2000, ainsi que ses projets en duo aux côtés de Bernd Friedman, mais surtout bien évidemment pour ce faramineux You Do Right de 20 minutes qui occupait la face B de l'excellent Monster Movie de Cannes de 1969, avec son jeu ultra robotique mais également très très organique. Voilà, salutations, grande salutation à Jackie Leibseit, qui nous aura bien fait triper avec notamment ce You Do Right qu'on écoutait en boucle il y a de ça pas mal d'années, et puis pas mal d'autres choses aussi, la plupart des disques de Cannes entre autres. Voilà, on entendait juste avant les Dutch Futurismo, qui l'a sonné un petit peu plus comme du post Einstürzen de Neubotten, quelque chose comme ça, avec ce Festival of Misfits et ce disque publié par Ectro Records. Donc vraiment une bonne découverte de début d'année, excellent projet qui publie donc là son premier disque sous ce nom, mais des musiciens qui sont assez actifs dans les scènes hongroises, mais plutôt du côté de l'Europe du Nord, allez savoir pourquoi. On va continuer avec toute autre chose, et cette fois-ci de la musique portugaise, ou plus exactement de la musique portugaise, mais par la bande, notamment celle du label britannique Disc Discrepant Records, qui est une sorte de label un peu à la Folkways du Cosmos et autres Sublime Frequencies, donc une sorte d'ethno-musicologie dada ou déviante, avec notamment du free libanais à la sauce malayine, du folk déstructuré à la Mike Cooper, du field recordings aussi avec le projet King Gong, et puis pas mal d'autres choses encore, et notamment cette Antologia da Musica Atipica Portuguesa, volume 1, donc une nouvelle série du label britannique dédiée aux musiques innovatrices en Lusitanie, une collection de 10 titres entre expérimentation pastorale, free music, manipulation sonore, guitare noise, il y a à peu près tout qui passe dans les différents registres des musiques de traverse. Et je propose d'écouter un titre du projet Negra Branca, qui est le projet d'une des musiciennes de Knod, la portugaise de Knod. J'essaie de retrouver son petit nom, mais je ne le trouve pas. Donc on écoute Negra Branca sans plus attendre, avec ce O Espaterar do Linho, avec l'accent s'il vous plaît. Thank you. Thank you. Vous êtes toujours dans l'Asile Obscur sur l'antenne du 94 MHz ou à partir de son blog asile35.blogspot.fr. On vient d'entendre une séquence plutôt folk pastorale ou pastorale hautement foutraque avec tout d'abord le projet de Miss Marlène Ribeiro qui officie au sein de GNOD et qui a des projets sous le nom de Negra Branca. Et notamment, bah, elle avait fait paraître une cassette, je crois, sur Opal Tapes, que je n'ai pas écouté d'ailleurs. Et on la retrouve sur cette Antologia da Musica Atipica Portuguesa du label Discrepante, un florilège vinylique ou CD qui sort ces jours-ci, un volume 1, qui réunit pas mal de gens, notamment des scènes plutôt de traverse portugaise ou portugaise par la bande. Et on a enchaîné avec la musique de Victor Herrero, qui lui est un guitariste de Tolède formé tout autant à la musique folk hispanique ou encore arabo-andalouse, notamment au chant mozarabe. On le connaît notamment pour être aussi le compagnon de la chanteuse et folkeuse Joséphine Foster, l'américaine, qui l'accompagne sur disque et aussi sur scène, notamment dans des reprises de Federico Garcia Lorca ces dernières années. Et tous deux se sont pris de passion pour la guitare portugaise, la grosse guitare à 12 cordes, la Coimbra, instrument indissociable du fado, guitare en forme de poire avec 6 cœurs de 12 cordes métalliques, ce qui nous fait 12 cordes totalement sympathiques et pour mieux faire vibrer les harmoniques. Et donc Victor Herrero a aussi une carrière en solo, il avait déjà sorti pas mal de disques avant de rencontrer Miss Joséphine Foster, et donc ça, là il s'agit d'un disque qui sort ces jours-ci sur l'excellente étiquette Feeding Tube, le label du Massachusetts, de Florence dans le Massachusetts, avec ce disque Astrolobio qui réunit pas mal de ses compositions et improvisations sur guitare portugaise. Alors c'est plutôt là, c'était peut-être la pièce la plus impro, et il y a des pièces un petit peu plus dans le registre un peu Americana version hispano-portugaise. Et on va continuer toujours en Lusitanie avec un nouvel extrait de cette Antologia da Musica Atipica Portuguesa. Alors je ne sais pas trop combien il y aura de volumes, en tout cas celui-ci c'est le premier, et je propose d'entendre un projet assez nouveau là encore, qui répond au nom de Eitre et qui réunit Pedro Lopez, qui lui joue des tables tournantes, des percussions et puis pas mal d'objets, et Pedro Souza qui joue du sax baryton, donc des musiciens qu'on connaît notamment c'est des gens plutôt activistes dans le domaine des musiques innovatrices au Portugal depuis pas mal de temps. Et on écoute le titre Cuida par Eitre. Mm-hmm. Et non, c'était pas la musique de Temps X qu'on entendait dans l'asile le plus sûr, mais bien évidemment le fameux Richard Pinas qui fait son grand retour en ce mois de janvier avec un tout nouvel album qu'il produit sur étiquette Bureau B, l'excellent label de Hambourg, qui n'avait pas publié de disque de Monsieur Pinas à ce jour. Alors c'est le, je sais pas, 20e album peut-être de Richard Pinas sous le nom de Rivers, et certainement l'un des plus réussis de ces dernières années, le meilleur disque solo qu'il a publié depuis peut-être les années 70 ou le début des années 80. J'étais pas forcément très très fan des dernières productions cunéiforme notamment, et là c'est vraiment du très très grand Pinas avec pas mal de potes, notamment Oren Ambarchi qui fait un peu le faire valoir, le deuxième guitariste électronicien sur ce disque Rivers. Il y a aussi Arthur Narcy à la batterie, Florian Tatar à la basse, Masami Akita alias Merzbo avec lequel Pinas collabore régulièrement et est au synthé analogique, et Duncan Nilsson Pinas, bien évidemment le rejeton de Richard au synthé. Il y a aussi William Winant qui est de temps en temps selon les pièces à la batterie. Donc 4 excellentes longues pièces sur ce disque Reverse, qui a un argument assez étonnant. En fait, c'est un disque qu'il a produit après avoir tiré les cartes du tarot qui lui annonçait des événements plutôt assez sombres et assez sinistres dans sa vie. Et effectivement, il a perdu ses deux parents, Richard Pinas apparemment, ces derniers mois, ainsi que il s'est séparé de sa femme, et puis il a déménagé à Nantes. Donc beaucoup de nouveautés pas forcément très amusante pour le guitariste et électronicien hexagonal. Et là c'est un peu un redémarrage. Il avait prévu d'appeler ce disque The End, et puis finalement c'est dit non Reverse, et apparemment les cartes du tarot se sont inversées, avec cet excellent disque qui sort sur étiquette Bureau B en CD et en vinyle. Voilà, on va continuer avec tout autre chose, et la musique de Ballister, qui est le trio qui réunit le saxophoniste Dave Rampis, saxophoniste de Chicago, de l'Illinois, qu'on suit depuis pas mal d'années, notamment pour ses frasques sur son propre label Aerophonic Records. Il a sorti au moins 4 ou 5 disques déjà aux côtés de Fred Langberholm au violoncelle et électronique, et Paul Nissadlov aux percussions, avec ce projet, ce trio Ballister, qui est toujours aussi abrasif. Et là, celui-ci s'intitule Slag. Il sort dans quelques jours, et c'est un disque qui a été enregistré en concert, donc une section live au fameux Café Auto de Londres, enregistré le 23 mars 2015. Et je propose d'écouter le titre Glaive par Ballister. Thank you.

Et voilà donc le trio Ballister en excellente forme lors de ce concert à Londres du 23 mars 2015 au Café Auto avec ce disque Slag qui sort d'ici quelques jours du trio qui réunit Dave Rampis, Fred de Longbear Holm et Pal Nissen Love. Voilà, on va se quitter dans quelques minutes, le temps de vous rappeler non pas une info concert puisque le concert de ce samedi à la Maison de la Grève entre le trio BGZ et Trombe est annulé. Par contre, l'avenue de Karl Marx est confirmée avec des sessions entre jeudi 26 et mardi 31, donc jeudi, vendredi et lundi et mardi à partir de 19h30, le séminaire Karl Marx à la Maison de la Grève, donc toujours au 37 de la rue Le Graveran, en face du bar Le Delta. Et on se quitte avec un projet totalement méconnu du rock allemand des années 70. Il s'agit de Cosmic Corridor, qu'on avait rencontré notamment à l'occasion d'une compilation sur les archives un peu inédites du krautrock allemand qui était sorti chez Virgin dans les années 90 et qui d'ailleurs viennent aussi de revoir le jour grâce au bon soin du label Gersen sur sa subdivision Mental Experience qui se fend également d'une réédition de ce disque des Cosmic Corridor qu'on va bien évidemment dédier à Jackie Lipseit de Cannes qui nous a quitté en ce début et cette fin de mois de janvier 2017. Donc le disque de Cosmic Corridors, disque éponyme. On entendra d'ailleurs sans doute la version longue sur le blog de l'asile asile35.blogspot.fr quand cette émission sera en ligne avec ses playlists. Je vous souhaite une excellente nuit d'ici là et à très bientôt. On se quitte donc avec ce titre Niemann Verstehen et les spoken words en allemand de Cosmic Corridors. Niemand hat uns die Geschichte erzählt. jetzt ans Ruhe. Wissen Sie, wo das Schloss ist? Das schöne gemalte Schloss. Thank you. successful and have nostalgia for the days when you were not. If you are unsuccessful and hope someday success will knock at your door. If you are too beautiful and find men in the street are bothersome. If you are ugly, madam, and wish you were beautiful. If you sleep profoundly at night and feel that it is a waste of time. If you suffer from insomnia and have time on your hands. If you have tea and no meat. If you have meat and no tea. If you belong to the weaker sex and wish you were of the stronger. If you are loved and it bores you. If you are rich and invite the simple happiness of the poor. If you are poor and long for la dolce vita. If you are afraid to die or find no point in living. If you are a drunkard or teetotaler, if you believe in heaven or believe in hell. Thank you. Thank you.